C'est forcément un peu en complément, puisque bon, il y a des choses qui ont déjà été dites dans l'intervention précédente. Normalement, ce que je dis est cohérent avec ce qui vient d'être dit, même si ça peut paraître des fois un petit peu incohérent, mais pas vraiment. Bon, je ne savais pas trop quoi préparer. Donc, ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais bon, je pense qu'il y a matière à discussion. Donc le second auteur est Alexis Descata, qui est prof de pathologie professionnelle. Donc mon collègue Alexis Descata n'est pas là. Bon, moi je suis épidémiologiste sans diplôme. Sans diplôme, et je suis pas médecin non plus. Voilà. Je fais des mathématiques, personne n'est parfait. Niveau école primaire, quoi, en fait. Hein? C'est ça, c'est niveau école primaire. Non, je suis trop vieille pour avoir des diplômes, c'est-à-dire, c'est une époque où on faisait épidémiologiste comme ça, sans avoir de diplôme. Bon, et j'ai travaillé dans ma vie, donc, comme chercheur à l'INSERM, et j'ai travaillé sur les cancers professionnels. Pour une partie de ma carrière, j'ai travaillé sur l'inégalité sociale de santé. Voilà. Et puis sur le trouble musculo-squelettique, bon, c'est peut-être plus mon collègue Alexis Descata actuellement qui est. C'est lui qui est le patron. Donc, c'est lui qui décide ce qu'on fait. Voilà. Bon, et les autres sont des collègues qui travaillent sur le sujet, puisqu'il y a en fait une petite équipe sur TMS. Donc les points que je voulais aborder là, point 1, 2, 3, c'est des choses un petit peu générales pour rappeler comment les épidémiologistes travaillent. Alors les épidémiologistes, comme je suis, c'est-à-dire un, très loin du terrain, deux, qui ne font pas de la surveillance, c'est-à-dire on s'intéresse plutôt aux causes, voilà, à l'épidémiologie, l'étiologie, plutôt. Des petits zooms sur deux choses pour montrer un petit peu comment on travaille, comment le travail se fait, à la fois du point de vue historique pour la maladie du Putrin, et puis pour l'ombalgie et port de charge, comment on utilise les données de la littérature. Bon, ce qui est en chantier avec quelques. Bon, pareil, pour montrer un peu ce qu'on fait. Et puis, alors j'ai profité de la présentation d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est. Bon, moi, ça m'a intéressé déjà, c'est une chose. Regarder la question de la diversité des points de vue scientifiques sur les liens avec le travail, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des tensions très fortes qui sont internes au monde scientifique sur la question des liens avec le travail, et que ça, c'est, bon, je trouve que c'est une question intéressante au niveau international. Hein. Alors bon, dans les TMS, je vais parler de membres supérieurs, membres inférieurs, le dos. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que bon, on peut préférer des approches validées, c'est-à-dire des auto-questionnaires de type nordique, comme a été évoqué précédemment, des examens cliniques standardisés, de l'imagerie ou d'autres choses pour certaines pathologies. Alors pourquoi des approches validées pour faciliter les comparaisons, parce que si chacun se met à utiliser ses propres questions, on risque d'avoir des résultats qui dépendent de la question qu'on a posée, et en particulier sur le niveau, par exemple le niveau de plainte va dans une population donnée va dépendre directement de la question qu'on a posée. Donc, si on veut faire des comparaisons, il faut avoir des approches avec les mêmes questionnaires que ceux que d'autres ont utilisés. Bon, alors réducteur, effectivement, c'est réducteur par rapport au ressenti des sujets. On va prendre des définitions relativement strictes. Alors, dans l'équipe où je suis, pratiquement, on ne travaille pas sur les maladies professionnelles. Parce que c'est autre chose. C'est-à-dire il y a des écarts importants entre les troubles et les déclarations. Les facteurs qui sont liés à la déclaration à partir du moment où on a des troubles sont multiples. Et c'est autre chose. En tout cas, c'est une question, ce serait une question spécifique, ça, savoir quel est le processus qui fait que quelqu'un qui souffre fait une déclaration de maladie professionnelle, c'est une question en soi. Alors, résultat basé sur les calculs statistiques, ça c'est sûr. Quand on travaille en épidémiologie descriptive, on ne cherche pas forcément des résultats qui ont un caractère général, parce qu'on cherche à décrire dans une population donnée, dans une région donnée, pour la France, etc. Dans les travaux que nous on fait, on cherche à obtenir des résultats présentant un caractère général, c'est-à-dire en gros vrai dans le monde entier. Voilà. Donc c'est réducteur, c'est sûr. La dimension internationale est toujours très très présente dans ce qu'on fait. Par rapport à des trucs que j'avais lus sur la présentation de ce séminaire, sur la place de la France, des épidémiologistes français, je ne sais pas quoi, les épidémiologistes français sur les TMS sont considérés comme bons. Hein, t'es d'accord ? On est les équipes qui organisent le dernier congrès Comus à Angers. Moi, je suis, alors c'est une petite parenthèse, mais je suis dans une revue internationale qui est occupationnelle en environnemental médecine. Je suis la personne qui reçoit les manuscrits, tous les manuscrits sur les TMS, et qui cherche les relecteurs pour ces manuscrits-là. Donc on est. Et Alexis Desfata est considéré comme. Voilà, respect de la réglementation sur le recueil des données de santé. Bon, ça, c'est une question qui a été un tout petit peu évoquée, qui est une question parfois un petit peu compliquée. Nous, là-dessus, on est très, très, très strict. Alors, parmi mes activités, je fais partie du CCTIRS qui examine les dossiers de recherche médicale avant qu'ils passent à la CNIL. Donc, là-dessus, bon, on est très, très, très strict. Alors, les questions un peu compliquées concernant les TMS, mais qu'on retrouve aussi, par exemple, pour les cancers professionnels, c'est les questions de causalité. Donc, les approches longitudinales sont privilégiées. On va se méfier beaucoup d'enquêtes qui sont juste transversales. Pour finir, on ne sait pas quelle est la cause, quel est l'effet. On sait que dans certains cas, il y a des effets à court terme, que dans d'autres cas, il y a des effets à long terme, à très long terme. Et ça va dicter un petit peu le type de méthodologie qu'on va retenir. Les difficultés à évaluer l'exposition, alors surtout rétrospective, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec des ergonomes de façon assez facile s'il s'agit d'évaluer des expositions présentes. Hein, où on travaille avec des ergonomes qui vont faire leurs observations, leurs mesures. Ça, c'est très bien. Mais nous, dans un certain nombre de cas, enfin, souvent, on cherche à avoir une idée de l'exposition ancienne des gens. Et ça, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on a un tout petit peu évoqué les expositions psychosociales. Juste une petite digression sur les expositions psychosociales. On avait fait un travail il y a deux ans par là, un bilan de la littérature épidémio sur les liens ou les liens qu'il n'y a pas avec les facteurs psychosociaux selon les localisations de douleurs. Et par exemple, pour les lombalgies, actuellement, si on a des études longitudinales, on trouve moins de liens avec les facteurs psychosociaux qu'on en trouvait il y a quelques années, où on avait plus, où la littérature scientifique était plus basée sur les études transversales. Dans les études transversales, oui, c'est sûr, on trouve des liens. En longitudinal, c'est beaucoup moins sûr. Hein. Par exemple, le syndrome du canal carpien, enfin bon. Problème de membre inférieur, bon, il y a peu de choses. Et puis, bon, des choses qui ont été évoquées aussi, de quel mécanisme on parle. Alors ça, c'est, bon, c'est des questions qu'on s'est posées aussi, forcément. Hein. Bon, un rôle direct des effets du stress sur l'activité musculaire, oui, ça a été étudié pour certains muscles, pour certains muscles, c'est vrai. C'est-à-dire en condition expérimentale, on voit des résultats sur, le, sur l'activité musculaire. Mais il y a d'autres mécanismes possibles. Bon, on a évoqué le fait que les facteurs d'organisation du travail, en fait, sont souvent des, comment dire, tellement liés aux expositions psychosociales qu'on ne sait pas vraiment si c'est l'exposition psychosociale ou si c'est encore en amont d'autres choses. C'est-à-dire des contraintes temporelles, des formes d'organisation du travail. Et aussi, en fait, des facteurs biomécaniques. Bon, par exemple, des études où vous voyez que des personnes qui font, qui sont aides-soignantes, par exemple, aides-soignantes, manipulation de malades, bon, si elles s'entendent mal, si ces personnes s'entendent mal avec leurs collègues, eh ben, elles vont se retrouver à porter des charges et porter des malades toutes seules au lieu d'être aidées par une collègue. Donc, bon, les expositions biomécaniques ne sont pas forcément loin non plus du psychosocial. Alors, bon, j'ai cherché quelque chose sur maladie du Dupuytren parce que mon collègue Alexis a travaillé récemment sur maladie du Dupuytren et publié récemment là-dessus. Donc... bon, autour des questions liées avec l'exposition professionnelle, le contexte, les acteurs. Alors, pour maladie du Dupuytren, bon, c'est dommage, je voulais montrer ça à Nicolas Asfeld. Je lui ai montré un petit peu quand même. J'ai retrouvé des belles photos de monsieur le comte Dupuytren, je crois, 1831. Donc, qui a été l'inventeur et qui a donné son nom à la maladie du Dupuytren, qui est une maladie où, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas médecin, vous avez les doigts qui sont repliés comme ça, ou certains doigts qui sont repliés pour que vous ne pouvez plus rouvrir la main correctement. Et alors, donc, en 1831, M. Dupuytren dit « Je vous parlerai aujourd'hui d'un seul malade et d'une seule maladie. Le malade dont je vous parle, c'est Monsieur Jean-Joseph de Marteau, qui exerce la profession de cocher de fiacre. » C'était son cocher de fiacre, à lui. Et voilà, il a la main rétractée comme ça. Et le point de vue de Monsieur Dupuytren, c'est parce qu'il tape sur ses... Comment dire, il utilise son fouet pour faire avancer ses chevaux, et c'est ça qui lui a donné la maladie. Donc, pour M. Dupuytren, c'était très clair, en tout cas pour son cocher de fiacre, la maladie de Dupuytren était une maladie professionnelle. Et puis ensuite, eh bien, ça a arrêté d'être considéré comme ayant une maladie, comme ayant une origine professionnelle. Alors, pour des raisons qui sont discutées par un auteur, vous connaissez peut-être ce bouquin, la Occupation and Disease, qui est un bouquin un petit peu historique sur pourquoi les maladies professionnelles, historiquement, apparaissent comme professionnelles. C'est-à-dire, quel est le rôle de la société dans le fait qu'une maladie soit considérée comme due au travail. Il dit bon, le baron Dupuytren, il a été victime de son succès, c'est-à-dire tous ses collègues ont cherché des maladies de Dupuytren parmi leurs malades, et leurs malades c'était pas des cochers de fiacre, et donc les collègues ont dit non, c'est pas le travail qui donne la maladie. Et pendant longtemps, donc la maladie a été considérée comme avant tout due à l'hérédité, en France, due à une consommation élevée d'alcool. Et puis alors, brusquement, en 2000, ceux qui font bouger un peu les lignes en France, ce sont 12 médecins de prévention de la région de Nantes, comme quoi l'Ouest est quand même... vous êtes bon, hein, quand même, hein, dans l'Ouest, hein. C'est la région TMS. Région TMS. Mais enfin, des médecins, ils travaillent bien actifs, hein, quand même, hein, Gérard Luca et autres, qui font leur petite étude auprès de 3000 et quelques agents du ministère de l'Équipement, qui publient dans la revue de médecine du travail, et avec ce titre, la maladie du putrin est principalement d'origine professionnelle. Alors, la limite d'un travail fait par des médecins du travail, c'est que bon, ils ne sont pas des épidémiologistes de profession. Donc, après ça, ils se sont fait aider par un épidémiologiste professionnel, qui était Alexis Descata, qui a repris avec eux les données, et ça a abouti à un bel article dans American Journal of Industrial Medicine. Gérard Luca est resté le premier auteur, parce que c'est lui qui avait fait le boulot. Voilà. Maladie du Dupuytren, facteur personnel et exposition professionnelle, et où il conclut que le travail manuel professionnel est associé avec la maladie du Dupuytren après ajustement sur les facteurs personnels comme la consommation de tabac, d'alcool effectivement. Et puis, les résultats ont été confirmés sur d'autres données, et ça a relancé l'intérêt pour le lien entre la maladie du Dupuytren et les expositions professionnelles dans d'autres pays. Puisque, nous, on est forcément en contact avec d'autres équipes. Plus des conséquences pour une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, en France, alors la reconnaissance en France est possible hors tableau, sous des conditions qui sont quand même, il faut reconnaître, assez descriptives, assez restrictives. Voilà. Et puis, ça a fait bouger les choses en Belgique et au Canada aussi. Et je crois en Angleterre actuellement, parce qu'il y a des collègues qui disent ah ben moi j'ai des données, je vais réanalyser les données, je vais voir ce qui se passe, et hop, brusquement il peut se passer quelque chose dans un autre pays. Alors je change de sujet. Lombalgie et port de charge, recommandation pour la pratique des services de santé au travail. Donc ça, c'est un travail collectif qui a été mené à la demande de la Haute Autorité de Santé. C'est plus pour évoquer le fait qu'on utilise les connaissances scientifiques, qu'on utilise des résultats d'articles scientifiques, des études faites dans un pays, dans un autre pays. Bon, un joli petit dessin qui m'a été probablement donné par un collègue américain. Hein. J'ai une note de mon médecin, je ne suis pas supposée porter plus que 3 fois que 10 fois mon poids. Bon, c'est les lombalgies des fourmis. Voilà. Donc ce document-là, c'est un travail mené avec l'INRS, la Société française de rhumatologie, l'INSERM, un collègue de l'Université de Liège, donc un collègue belge, le service de santé au travail et éducation pour la santé. Alors je vais juste vous donner des petits extraits pour voir le genre de truc que font les épidémiologistes. Alors ça, c'est la partie grand 1, principaux risques pour la santé des travailleurs exposés à des manipulations en charge. Donc, les travailleurs exposés à des manipulations en charge sont risques de faire des TMS, des TMS de l'épaule, des problèmes de dos, de cou, des problèmes de hanche, des problèmes de genou. Et puis, on va regarder la littérature épidémiologique. Et on conclut avec un niveau de preuve 1, c'est-à-dire c'est solide, hein, c'est solide. Le port de charge au travail est un facteur de risque de lombalgie 1, sans qu'il soit possible de faire la part des différentes sous-tâches de manutention. Est-ce que c'est se pencher, soulever, pousser, tirer, voilà. Ça, on ne peut pas en dire plus. Et à l'appui de cette conclusion, on avait principalement une revue systématique faite par un collègue néerlandais, je pense, qui a donc publié dans l'European Spine Journal une conclusion sur charge physique au travail basée sur 35 études prospectives. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études sur ces sujets-là. Bon, et qui conclut, il y a un niveau de preuve fort qu'il y a un lien entre travail et travail physiquement fatigant et facteur de risque et lombalgie. Bon, puis on avait rajouté quelques illustrations en plus venant d'études qui avaient été faites. Plouvier, ça a été fait dans notre équipe à nous. D'autres ont été faites ailleurs pour montrer qu'il y avait quand même des diversités d'approches et aussi spécialement des diversités d'approches concernant le facteur de risque en question. Parce que, en gros, il ne suffit pas de dire le port de charge est un facteur de risque. Actuellement, c'est trop vague, quoi. Il faudrait arriver à dire, par exemple, comme ça, le nombre d'années d'exposition est un facteur de risque. Bon, là, dans l'autre étude, c'est une évaluation des expositions à partir des activités. Là, c'est c'est d'autres types d'évaluation des expositions à partir d'enregistrements vidéo. Et le dernier, c'est qui ne peut étudier que les lombalgies aiguës, c'est mené à partir des réponses à un questionnaire décrivant les tâches sur 24 heures. Alors, sur ce sujet-là, on fait la biblio de façon complète. On connaît en gros les études qui ont été publiées et on tombe sur des trucs qui sont des articles qui posent problème quand même. Ces articles-là, les articles de ces auteurs-là, concluent de façon très restrictive concernant une association causale entre manutention de charge et survenue de lombalgie. On reviendra là-dessus après, c'est-à-dire qui et pourquoi, quels sont les auteurs qui remettent en cause vraiment les liens avec le travail. Alors, sur ces articles-là, il y a les articles en question, et puis il y a eu des réponses dans la revue où ça a été publié. Donc, ça a été contesté par d'autres auteurs qui sont des collègues, des gens qu'on connaît, Cuiger, tu connais aussi, non? Bon. Qui ont dit non, vous mettez des critères qui sont trop, trop restrictifs, vous ne pouvez pas conclure comme ça. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Bon, je passe à autre chose. Ce qui est en cours ou en chantier, alors là, on va travailler, on continue à travailler là-dessus. Là aussi, basé sur la cohorte Constance, le projet Comet, pour lequel on espère avoir un financement. Je préfère pas parler de ça. Et où il y aura différents sous-projets là, effets à long terme des expositions biomécaniques, prise en compte d'expositions cumulées vie entière, ce qui est un sujet sur lequel nous on a quand même beaucoup travaillé au total parce qu'on avait des bonnes données pour travailler là-dessus. Maintien dans l'emploi, donc ce sera fait avec l'équipe d'Angers. Impact de l'organisation du travail, ça sera fait aussi avec vous. Évaluation des expositions, matrice emploi-exposition, avec l'idée que, spécialement pour les expositions passées, c'est bien d'avoir des approches un petit peu automatiques sur les évaluations d'expositions. Donc ça va être fait avec des collègues américains. En cours ou en chantier, ça c'est la thèse de notre collègue Zakia sur syndrome du canal carpien et travail sur écran. Et là, question, peut-être ça vous étonnera, mais le consensus actuel, c'est qu'il n'y a pas de lien entre travail sur écran et syndrome du canal carpien. Donc, c'est utile aussi que les épidémiologistes travaillent, parce que de temps en temps, ils concluent, alors peut-être c'est discutable, mais ils concluent que non, il n'y a rien. Bon. Alors, en cours ou en chantier, là, c'est le travail de notre collègue Léonore. Et ça a à voir un petit peu avec ce que je disais ce matin sur les préoccupations qu'il y a 20 ans, les collègues de l'ANACT avaient sur les facteurs d'organisation du travail, comment on en tient compte. Hein. Et actuellement, on a des méthodes de STAT qui permettent d'approcher ces questions-là, c'est-à-dire de voir quels sont les facteurs de risque en amont, quels sont les facteurs de risque proximaux. Ici, quelle est la place de l'organisation du travail pour autour de la question rythme de travail imposé et épicondylite. Voilà, alors les analyses classiques telles qu'elles sont faites par les épidémiologistes, c'est des modèles logistiques où on a mis tout sur le même plan. Et puis on voit que rythme de travail imposé, on voit un odds ratio de 1.4, autrement dit, ça multiplie le risque par 1.4. Et puis on a les efforts avec les mouvements au coude, c'est 1.8. Et puis, on peut se dire, est-ce que le rythme de travail imposé est à mettre sur le même plan que les efforts avec mouvement au coude? Donc, on peut imaginer des relations comme celle-là, c'est-à-dire les facteurs organisationnels qui ont des conséquences pour les contraintes physiques, qui ont des conséquences pour les contraintes psychosociales, les facteurs individuels, et puis pour finir, hop, on a les TMS au coude. C'est raisonnable de penser comme ça. Hein. Alors, après, c'est beaucoup de travail statistique. Donc, Éléonore a regardé les associations dans tous les sens. Alors, dans tous les sens, ah ouais, il y a plus que ce que je pensais là. Bon, dans tous les sens, ça fait ça. C'est-à-dire, il y a des liens entre tout et tout, quoi. Alors, plus ou moins. Donc, on garde un modèle qui est... Un peu simplifié parce qu'on ne peut pas trop avoir des flèches partout. Et pour finir, on conclut que la partie d'en haut, c'est ce qu'on avait trouvé avec des analyses classiques. Et puis la partie d'en bas, c'est peut-être pas parfaitement satisfaisant, mais des facteurs organisationnels vers les TMS, il y a 30% qui passerait par les contraintes physiques sur ces données-là. Et puis, il y a à peu près 0%, non 2%, qui passerait par les contraintes psychosociales. Et puis, sur ces données-là, il y a 63% qui est la flèche directe, quoi, de facteurs organisationnels à TMS. Alors, bon, peut-être qu'il y a des variables qu'on n'a pas pris en compte, dans les contraintes physiques, par exemple, et que si on avait de meilleures variables, on aurait des modèles causaux qui seraient un petit peu mieux que ça. Mais enfin, l'idée, c'est d'avoir des modèles causaux un tout petit peu complexes. Le 63%, c'est... Le 63%, c'est ce qui est... On a bien un lien entre rythme de travail imposé et épicondylite, hein, avec ce ratio de 1.4. Donc il y a bien un excès. La majeure partie de l'excès n'est expliquée par rien. C'est-à-dire n'est pas expliquée par les variables contraintes physiques qu'on avait dans l'étude, mais qui n'étaient peut-être pas non plus forcément les meilleures. Et pratiquement rien qui passe par les contraintes psychosociales. Bon, c'est... Les résultats eux-mêmes ne sont pas forcément intéressants. Je ne sais pas comment dire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le type de questions qu'on peut se poser. Et on se dit, d'ici quelques années, on sera encore meilleur pour faire des choses comme ça. Hein, t'es d'accord? Parce que là, on... Restez. Voilà. Bon, à condition que Léonore continue à travailler avec nous. Enfin, parce que ça demande quand même, alors là, il faut le dire quand même, hein, ça demande des gens qui sont assez bons en stats quand même, hein, qui maîtrisent bien ce genre d'approche. Les données, tu disais, c'est des données beaucoup transversales ou... C'était des données Pays de la Loire. Oui, c'est des données Pays de la Loire, je ne sais pas si elle a utilisé... A priori, c'est longitudinal. Je ne sais pas. Je ne sais plus, il faut que je regarde. Bon, l'idée, c'est pas, c'est, plutôt de montrer le genre de questions qu'on se pose, hein, et auxquelles on n'était pas capable de répondre il y a 20 ans. Alors, je change de sujet. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu de biblio là sur lien entre TMS et exposition professionnelle. Tout ce qu'on peut trouver qui est une façon ou une autre de nier le rôle des expositions professionnelles, avec un abord un petit peu historique, parce que ça a changé au cours du temps. Ce qui est avis d'expert, c'est souvent un petit peu historique. Approche hyper scientifique, c'est des choses, des articles plus récents. Il y a des choses que j'ai classées sous le titre intérêt pour autre chose. C'est-à-dire, on s'intéresse tellement à autre chose qu'il ne reste plus rien pour le travail. Et puis, des situations où il y a vraiment des conflits d'intérêts manifestes, ça existe. Alors, je vais détailler un petit peu les différentes choses. Alors, des aspects avis d'experts qui sont des avis de cliniciens. Il y a historiquement des cliniciens américains qui sont connus de tout le monde pour avoir très très régulièrement dit il n'y a aucun lien avec entre eux, ici c'est entre syndrome du canal carpien et travail. Alors ils se basent sur les malades qu'ils ont vus vers ces années-là, hein, 72. Mais même, vous voyez, jusqu'en 93, ça reste comme ça. Donc, le syndrome du canal carpien, ça pourrait être classé comme une maladie professionnelle, mais c'est vraiment très rare que ça puisse être, que ces facteurs-là, dont il a parlé avant, puissent causer une compression du nerf médian. Bon, là, c'est un petit peu pareil. Hein. Les facteurs personnels sont beaucoup plus importants que les facteurs professionnels. Là, c'est plus récent quand même. Hein. 2002, des auteurs australiens. Alors, qui ont une position... pas santé publique, mais presque. C'est-à-dire, ils disent, excepté dans le cas du travail qui implique des températures très, très froides, comme le travail de boucherie, enfin des abattoirs, voilà, le travail est moins possiblement cause de syndrome du canal carpien que des facteurs démographiques et l'existence de maladies. Et si on veut étendre un petit peu l'étiquette professionnelle sur les syndromes du canal carpien, alors ce serait pas raisonnable parce que ça ferait faire dépenser trop d'argent à la société, puisqu'on prendrait en charge trop de TMS, et puis ça enlèverait la responsabilité des sujets au niveau individuel. Ça leur laisserait croire qu'ils n'ont plus besoin de se préoccuper correctement des facteurs de mode de vie tels que l'obésité ou autre chose. Donc voilà, position raisonnable, non, rien sur les facteurs professionnels. Voilà, et sur les lombalgies, là c'est Adler qui avait des trucs assez étonnants quand même, hein. Bon, le mal de dos, nous souffrons tous du dos. Et il y a rarement quelque chose d'extraordinaire dans les conditions de travail qui amène au mal de dos. Et alors là aussi, bon, il n'a pas un travail très physique, lui, probablement, mais il dit le mal de dos pour un travailleur est rarement. Non, le travail. Oui, c'est ça. C'est. pour un travailleur, c'est les demandes physiques du travail rendent rarement intolérable le fait de travailler avec mal au dos. Bon. Publié dans le New England Journal of Medicine, quand même. Voilà, c'est voilà, voilà, voilà. Mais alors, Adler était connu. Alors, Adler était connu. Adler s'est beaucoup, beaucoup battu avec Barbara Silverstein, Michael Silverstein, etc., etc. Enfin, c'était... Et, bon. Donc, voilà. Le travail, rien du tout. Alors, plus moderne et hyper scientifique, alors ça, c'est... Comme les autres auteurs là sur le port de charge, on fait une étude hyper scientifique, on met la barre pour la qualité des études tellement haut que il reste rien. C'est-à-dire on jette toutes les études, on fait une revue biblio et puis on jette toutes les études comme n'étant pas de qualité suffisante. Hein. Et voilà, voilà, voilà. Et il ne faut pas avoir des théories spéculatives sur la causalité. Et il faut utiliser une approche rigoureuse avant de se lancer à des approches, partir dans des approches spéculatives. Bon, et puis, bon, ça c'est l'article auquel on a été confronté un petit peu hein, quand on a fait la revue biblio sur... sur le port de charge. Bon, les expositions professionnelles ne jouent aucun rôle. Là, il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, les auteurs ont un financement d'assureurs nord-américains. Donc, les assureurs nord-américains sont ceux qui assurent les entreprises qui doivent indemniser les salariés. Donc, on voit à partir d'articles comme ça que la publication d'articles scientifiques est vraiment un enjeu dans le débat social. C'est-à-dire, en France, ça n'apparaît pas tant que ça, parce qu'il y a les tableaux de maladies professionnelles. Mais en Amérique du Nord, en Australie, bon, il va y avoir des cabinets d'avocats qui vont défendre les salariés face aux entreprises. Il va y avoir d'autres cabinets d'avocats qui vont défendre les entreprises face aux salariés, et chacun se balance des résultats d'articles scientifiques. Donc, les articles sont utilisés pour défendre un point de vue ou le point de vue inverse. Donc, ce qui veut dire quand même que les articles, c'est important. C'est pas en positif ou en négatif. Hein. Alors des exemples un peu marrants sur intérêt pour autre chose. Alors ça c'est paru dans l'International Journal of Epidemiology. Le mal de dos, une maladie transmissible. Après la réunification de l'Allemagne, les mythes et les mauvaises conceptions sur l'origine des lombalgies auraient été exportées à l'Est. D'où une augmentation de la fréquence des lombalgies à l'Est. C'est-à-dire, il compare avant la réunification de l'Allemagne, après la réunification de l'Allemagne, et il dit les points de vue se sont rapprochés. C'est parce que voilà, les mythes et les mauvaises conceptions ont migré d'une région à l'autre. Alors, bon, c'est pas inintéressant parce que ça montre bien que, en effet, les réponses à des questions dépendent un petit peu de ce que les gens ont dans la tête. Très, très certainement. Hein. Mais, bon, faut être un peu prudent avec ce genre de résultats parce que la conséquence un peu simpliste, hein, c'est de dire que c'est pas la peine d'améliorer les conditions de travail. Et ce qui compte le plus, c'est ce que les travailleurs pensent de l'origine de leur douleur. Donc, il faut agir sur leurs croyances et sur ce qu'ils ont dans la tête, et puis c'est tout. Et ça c'est un point de vue qui est quand même très, très, très présent dans la littérature internationale. Et en France aussi, un petit peu. Voilà, intérêt pour autre chose. Alors, beaucoup sur la prévention tertiaire, le retour au travail, ça a été un tout petit peu évoqué, c'est-à-dire, on s'intéresse au retour au travail, alors les cercles vicieux, lombalgie, peur de se faire mal, alors peur de se faire mal, ça s'appelle la kinésiophobie. Comme on a peur de se faire mal, on ne bouge plus. Comme on ne bouge plus, on perd l'habitude de bouger. Et comme on ne bouge plus, on a encore plus mal. Voilà. Donc, c'est pas complètement faux, c'est sûr. Mais si on ne pense que comme ça, alors c'est bon, le travail, les conditions de travail, les conditions dans lesquelles les salariés sont susceptibles de revenir au travail s'ils sont lombalgiques. Le travail n'existe plus. Hein. Et ça, c'est des approches qui sont quand même très présentes alors, au niveau international et en France aussi. Je ne citerai pas de nom. Après, dans les articles qui posent problème, des articles où il y a des vrais conflits d'intérêts. Hein. Des évaluations d'intervention en entreprise avec des auteurs qui sont proches de consultants qui proposent ces interventions, des évaluations de matériel ergonomique. Moi j'en vois passer parce que je reçois les manuscrits qui arrivent à Occupational Environmental Medicine. Quelquefois, c'est évident qu'on ne peut pas laisser publier tel ou tel article. Hein. Donc face à tout ça, alors c'est ma dernière diapo en fait, mon avant-dernière. Hein. Qu'est-ce que font les épidémiologistes? Ils analysent des données, ça c'est leur métier hein, quand même, et ils publient. Et je pense qu'il faut avoir conscience que les publications sont quelque chose d'important. C'est-à-dire, si on ne publie pas, c'est comme quelque chose qui n'existait pas. Et puis, si on ne publie pas, d'autres publieront des articles qui éventuellement poseront problème et qui seront utilisés, réutilisés en France et ailleurs. Alors, les épidémiologistes ont une présence, ce que je connais en tout cas dans ce domaine-là, mais en élargissant, ça reste vrai, hein, présence active dans des associations scientifiques nationales, internationales. Hein, là, pour nous, c'est la DREST, l'ICOH, l'Organisation du Congrès Primus, dans des comités éditoriaux de revues scientifiques, parce que ce qui se publie, c'est important. Implication dans les activités ayant des conséquences directes pour les salariés en France, révision des tableaux de maladies professionnelles. On peut trouver que le résultat n'est pas satisfaisant, mais que se passerait-il si tel et tel épidémiologiste n'avait pas été là aussi pour défendre tel ou tel point de vue, hein ? Ça pourrait être encore bien pire, la situation pourrait être encore bien pire que ce qu'elle est. Bon. Ça c'est... Non, vous ne connaissez pas ces gens-là. Mais enfin, vous voyez un épidémiologiste qui dialogue avec une ergonome. Hein, c'est Alexis Descata qui discute avec Sandrine Caroli. Vous voyez des gens qui sont des stars un peu américains, américaines. Bon, sachez que les gens qui sont là ont donné leur accord pour être sur cette image. Hein, la personne à la première rang, c'est Barbara Silverstein. Le monsieur qui est au fond, c'est son mari, c'est Michael Silverstein. Donc, c'est des gens qui ont eu des grosses responsabilités, Michael en particulier, des grosses responsabilités aux États-Unis, et des ergonomes québécoises. Hein. Il y a Karen Messing, il y a Nicole Vézina, Marie Bernard. Donc c'était regard vers le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera, hein, qu'est-ce qu'on va faire après. Je vous dirai qu'est-ce qu'ils étaient en train de regarder, mais là ça devient un peu personnel. Et voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Merci. Dans les temps d'échange, Merci pour cet exposé. Ça m'a permis de rentrer un peu dans les arcanes de l'épidémiologie. Ah oui, oui, nos conflits d'intérêts à nous, hein, en tout cas Annette et Leclerc, Alexis, Descata, voilà. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. J'avais deux questions. Une première sur votre affirmation contre-intuitive, à partir de vos études, que le syndrome canal-cartien s'oppose à l'étude sur. Enfin, qu'il n'y a pas de relation entre le syndrome du canal-cartien et le travail sur écran. Alors, je voulais savoir. Parce qu'Agnès Obdé-Cuzoulier. Elle dit le contraire. Elle dit c'est le contraire en s'appuyant. Ouais. Je veux savoir, elle s'appuie sur des études nordiques faites à partir de dessinateurs industriels. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans le travail sur écran, vous avez élargi la population tellement au-delà des dessinateurs industriels que l'émergence d'un lien disparaît. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est. Dans votre modèle, sur le risque psychosocial est un médiateur très faible dans la production des TMS. Alors sur cet exemple-là. Hein, oui. Mais alors comment on peut interpréter ce résultat? Est-ce que c'est un problème de définition et d'identification des risques psychosociaux? On aurait du mal à savoir en quoi c'est médiateur. Ce vers quoi je tendrai, puisque j'ai beaucoup de mal avec ce concept de risque psychosocial. C'est-à-dire qu'un objet mal identifié est forcément soit tellement général qu'il est le médiateur de tous les TMS, soit il n'est d'aucun, puisqu'on n'arrive jamais à le cerner, évidemment. Donc, ça voudrait dire, un des résultats, ce serait pas tellement de. À une sorte, ça serait de se poser la question de est-ce que ce concept est opérationnel de risque psychosocial. Alors, sur la première question, sur syndrome du canal carpien, travail sur écran, alors j'aurais de la peine à répondre complètement parce que ce n'est pas moi qui ai fait le boulot, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a aussi actuellement des synthèses biblio qui ont été faites. On ne peut pas exclure complètement que ça soit un facteur de risque, mais bon, globalement, ce ne serait pas un facteur de risque majeur. Et ce que j'ai entendu et qui est plausible, c'est que les études qui montraient des liens étaient des études un peu anciennes. Je vous livre ça sous toute réserve, hein, mais que ça a à voir aussi un petit peu avec le matériel qu'on utilise. Et je sais que le dernier travail, ce que doit faire Zakia là, pour terminer sa thèse, c'est regarder sur les données qu'on a, qui sont des données françaises et des données nord-américaines, de regarder de façon un petit peu plus précise ce que faisaient vraiment les gens qui, dans ces enquêtes-là, ont un syndrome du canal carpien et du travail sur écran. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des spécificités dans leur travail sur écran qui pourraient expliquer c'est principalement ça. Est-ce que travail sur écran élargit de manière considérable de la population par rapport à dessinateur? Ah non, le travail sur écran, c'est assez large. Voilà. C'est assez large, c'est à la fois des gens qui font de la. Oh. Alors, historiquement ça a été, je pense, l'épidémie de TMS en Australie, c'était des gens qui travaillaient sur écran, hein, ceux qui travaillaient pour un journal australien et qui travaillait alors dans des conditions très très très très intensives quand même. Et c'était de la rédaction. Il y a des travaux qui sont des travaux de saisie, enfin de la saisie. Enfin, quand on dit saisie en général, c'est saisir des. Oui, c'est de la saisie, oui, de la saisie plus ou moins élaborée, quoi. Si c'est écrire un article, c'est de la saisie, on peut dire aussi. Enfin, c'est de la frappe, quoi. C'est écrire un texte, quoi. C'est Ça, c'est pas, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas ? Ça n'a rien à voir. Écrire un texte. Non, mais... Ou saisir un texte déjà écrit. Non, mais les Australiens, c'était, ils écrivaient des articles. Hein. De façon, et ils étaient soumis, semble-t-il, à des conditions de travail très intensives. Après, la saisie, quand on dit saisie, en général, c'est plutôt, par exemple, voilà, vous avez des documents de la sécurité sociale, vous pouvez les saisir pour en faire des tableaux, c'est pas... D'accord. C'est pas un auteur qui écrit son livre sur son ordinateur. Pour compléter, les résultats qu'on trouvait en Pays de la Loire en population générale, les fractions ici attribuables les plus élevées étaient trouvées chez les ouvriers et les ouvrières et ensuite chez les employés. Donc c'était pas chez les gens les plus exposés C'est pas des catégories Et de plus, les gens qui travaillent sur les claviers, souvent, ça pose un peu moins de problèmes de retour au travail après opération ou après une charge. Oui, ça change autre chose. Sous l'impression qu'on ne voit pas les mêmes choses, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire dans les études que cite la Nation de l'écologie, on est vraiment sur des études par rapport à une activité identifiée. Alors, dans des études épidémiologiques. Bon, normalement, on n'a pas de désaccord avec Agnès sur l'écologie. Oui, elle nous envoie sa liste et puis on en discutera. Mais normalement, on a accès, on travaille à partir des mêmes sources. Enfin, donc, bon, on ne devrait pas être vraiment en désaccord. Elle aboutit quand même une conclusion. Enfin, a priori, elle aboutit à une conclusion inverse pour les dessinateurs industriels. Pour les dessinateurs industriels, alors peut-être, je ne sais pas. Mais, hein. Là, c'était. Avec les questions de non, peut-être. Là, on se pose des questions ultra précises, là, hein, quand même. Hein. Oui, non, mais. Donc, il faut redemander à Agnès sur Bécuvelier. Vous lui dites, qu'on en rediscute. Les deux, en fait, c'est toujours un peu le même problème, c'est que si on élargit une population, comme on dit, des formes très spécifiques de production de PML disparaissent. Parce qu'on a noyé le groupe très minoritaire. Non, les épidémiologistes travaillent en priorité sur des gros effectifs et sur des grosses choses. Après, étudier ce qui vous intéresse là, ça suppose aussi que les effets soient relativement à court terme, c'est-à-dire qu'on puisse mettre un ergonome pour aller regarder très exactement quelles sont les contraintes posturales dans ce métier-là. Si vous êtes plus loin des données, vous vous posez des questions sur des trucs dans le passé, il n'y aura pas de réponse. Alors, l'autre question sur les risques psychosociaux, il y a donc 2-3 ans, j'avais été amenée à rédiger un chapitre sur TMS et facteurs psychosociaux pour une expertise de l'INSERM. Et oui, une des difficultés, c'est que sous risque psychosociaux, on met différentes choses. Ça peut être des indicateurs presque direct de charge de travail. Hein, par exemple, je ne parle pas du questionnaire de Karasek ou de Sigrist, hein, mais d'autres choses qui vont rentrer, qui sont à la limite entre risques psychosociaux et autre chose, c'est par exemple la durée de travail, le fait d'avoir trop de travail. Est-ce que c'est psychosocial? Est-ce que c'est... la quantité de travail, et à ce moment-là, on retombe peut-être aussi sur l'exposition, trop d'exposition biomécanique. Hein. Alors, en transversal, sur des données, sur des enquêtes transversales, on trouve pratiquement très très souvent ou toujours un lien entre douleur et exposition psychosociale, aussi parce que... probablement se plaindre d'exposition psychosociale, c'est une façon de se plaindre de son travail. Hein. Mais qu'est-ce que ça recouvre exactement? On trouve moins moins d'effets à long terme, par exemple. On trouve beaucoup, beaucoup en transversal, c'est-à-dire que comme si c'était un proxy ou un indicateur d'autre chose, mais sans qu'on sache très bien ce que ça recouvre. Alors, il peut y avoir quand même des effets directs, puisqu'il y a eu des études en laboratoire, hein, où on met aux gens des électrodes sur leurs muscles du trapèze. Hein. Le trapèze, c'est quoi? C'est le dos, quelque part, dans les épaules. Hein. Et on les fait, de façon artificielle, travailler dans des conditions stressantes, genre vous ne travaillez pas assez vite, hein, et on voit que leur activité musculaire diffère selon qu'on les fait travailler dans des conditions un peu cool ou dans des conditions stressantes. Ceci pour porter les mêmes charges, par exemple. Donc il y a un petit peu de résultats, qui iraient dans le sens d'une causalité biologique directe, mais c'est restreint à certains muscles. Par exemple, sur membre inférieur, problème de genou, j'ai jamais vu que quoi que ce soit, même pas d'hypothèse, hein, comme quoi des problèmes de genou seraient liés à des expositions psychosociales. Hein. Il me semble qu'il y a eu des études aussi physiologiques sur le stress oxydant au niveau de la cellule, du muscle, en fait. Oui, c'est-à-dire que le muscle fatigue plus, si, etc. Écoute, on avait revu tout ça il y a 3 ans. Alors, bon, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de littérature. Hein. Donc, si on veut se tenir au courant là-dessus, c'est pas un travail à temps plein, mais enfin, c'est... Bon, d'autres questions? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé votre recherche sur les différents profils, en fait, de scientifiques, les différents positionnements et les différents intérêts scientifiques ou non scientifiques qui peuvent conduire aux polémiques scientifiques. Ouais, ouais. Et je comprends mieux aussi la lecture que vous aviez pu faire du programme du séminaire quand on parlait de la faiblesse de l'épidémiologie ou de l'ancrage académique, etc. Ça m'avait stressé. Hein, ben ça. Oui, non, mais je comprends. Du parcours que vous avez présenté, je comprends mieux, mais la façon que vous avez eu de regarder les données et toute votre production rend bien compte du fait que c'était pas vous qui étiez vraiment... implicitement identifié dans ces propos, mais je crois quand même que effectivement vous avez bien mis en évidence que notamment il y a l'approche hyper scientifique, ouais, qui est un problème. Enfin, on n'avait jamais appris comme ça jusqu'ici, mais je trouve ça très bien parce que effectivement, et c'est un peu ça qu'on voulait dire, je pense, quand on disait au détriment d'une approche de santé publique, c'est-à-dire de toujours conclure en faveur du doute plutôt que conclure en faveur de l'utilisation sociale qui va être faite du doute, et donc d'adopter une position de précaution. Là, c'est autre chose, hein. On est à la limite du conflit d'intérêt. Oui, non, mais voilà, en plus, après, on sort souvent en fonction des questions. Mais des fois, on peut se demander si c'est pas sincèrement un tel attachement à la dimension scientifique du travail, décontextualisé justement de ce à quoi va servir le résultat de la recherche, que c'est vraiment une logique science dure, quoi. Peut-être un commentaire là-dessus. Ah. Vous, je défendrai un point de vue scientifique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reprocher à un scientifique de dire avec les données dont je dispose, je ne peux rien dire. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait un débat social à côté sur la même chose, hein. Mais vous ne pouvez pas demander à un scientifique qui considère qu'il n'a pas les données pour conclure, lui dire à tout prix je conclue. Il dira je ne peux pas conclure, et puis que d'autres se débrouillent, c'est-à-dire que les syndicalistes montent au créneau, que d'autres acteurs jouent. Mais c'était pas le sens de mon propos, c'est que je pense que souvent la conclusion qui va être de dire on ne peut pas conclure d'après les données disponibles, ouais, va être traduite par des non-scientifiques en il n'y a pas d'effet. Ah oui. Ça c'est fréquent, en fait, ça c'est fréquent, et que le fait qu'on ne puisse pas conclure... Ça, il faut pouvoir se défendre contre ça quand même. Hein. Bah, oui, mais en fait c'est assez fréquent, je pense, comme mécanisme, qui fait que du coup... la rigueur, qui est tout à fait louable et indispensable, devient finalement un prétexte pour ne rien faire. Les acteurs du débat social doivent aussi. Enfin, ça remet contre ça. Mais je me rappelle, alors c'est un peu historique, mais ce qu'on avait fait avec la NAFTE, avec Pierre Franqui, qui ensuite, des ergonomes de la NAFTE, on avait sorti des résultats. C'était les ergonomes de la NAFTE qui reprenaient ces résultats sur le, sur le terrain, d'un débat social, et qui disaient des choses, mais le jour où ils se posaient un peu des questions, ils revenaient nous voir aussi, hein, en disant comment il faut que je parle de ci, de ça, qu'est-ce que je peux raisonnablement dire ou pas dire, hein. Oui, mais c'est ça, ce type de coopération, il est très important. Ça, il faut qu'il puisse s'établir. En fait, ce qui est souvent compliqué pour nous quand on est devant des résultats, notamment des risques un peu qui sont beaucoup en discussion, je pense à l'étude d'Interphone qui a mis le temps à sortir. Et en fait, Elisabeth Carvis le disait qu'en fait, ils avaient mis vraiment du temps à se mettre d'accord dans l'équipe, parce qu'il y avait à peu près un tiers qui, sur la base des résultats, disait on peut conclure quand même. Il y a peut-être un effet, un tiers qui disait non, sans doute pas, et puis un dernier tiers qui disait je ne sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Mais à ce moment-là, mon point de vue, c'est le débat social doit être se développer un petit peu à côté. C'est quel est le niveau de risque qu'on admet dans la population. Si on ne sait pas très bien quelle position on prendra au niveau de la société. Mais ce n'est pas forcément aux scientifiques à en dire trop. Justement, là, au niveau de ce que vous dites par rapport au canal carpien et au travail sur écran, vous vous avancez en disant qu'il n'y a pas de lien de causalité. Vous pourriez dire aussi. Dans l'état des choses, on ne peut pas dire. Non, on peut dire un petit peu plus, on peut dire un petit peu des choses négatives. Vous voyez, on peut dire des choses un peu négatives si par exemple on constate que. C'est peut-être pas exactement ce qu'on trouve, mais si on constate que globalement, dans des populations exposées professionnellement, on ne trouve pas plus de syndrome du canal carpien que dans la population générale. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que le risque est nul, mais on est amené à conclure que faire ce métier n'augmente pas le risque et qu'en gros, d'ailleurs, on est probablement, la réponse est celle-là aussi, il vaut mieux travailler sur écran. Si vous ne travaillez pas sur écran, qu'est-ce que vous faites d'autre, hein? Parce que. Qu'est-ce que c'est la population générale? Qu'est-ce que c'est le risque dans la population générale? C'est pas un risque nul non plus. Hein? Mais ça, c'est un autre problème que vous posez. C'est savoir quelle société on veut construire avec le travail sur écran, avec l'informatique et tout ça. Quels sont les. Mais c'est un débat social sur lequel vous pouvez donner un point de vue. Mais c'est un débat social qui est questionnel. Non, là je ne parle pas du débat social. Je dis si on trouve pas, si on constate qu'il n'y a pas plus de risques parmi les gens qui travaillent sur écran que dans la population générale, nous on conclura, épidémiologistes, en disant il n'y a pas de risque spécifique à travail sur écran. Et point. Mais le problème, là, c'est quand même, c'est vrai, quoi dire d'autre ? On a du mal à trouver une population de comparaison qui ne soit pas exposée, parce que la population générale, elle est exposée. Plein de choses qui peuvent être des contraintes. Justement, si c'est la population générale, dans cette population générale, il y a des travailleurs et des travailleurs de toutes sortes. Alors, c'est pour ça que. À ce moment-là, la façon qu'ont les épidémiologistes d'aborder ces questions-là, c'est en général des questions de relation dose-effet. Hein. C'est-à-dire, vous prenez tout un groupe de gens qui travaillent sur écran, vous les subdivisez en des personnes qui. Vous regardez combien d'heures, vous leur mettez des capteurs, tout ça, pour voir combien d'heures dans la journée elle travaille sur écran. Si vous constatez que dans cette population qui travaille sur écran, il n'y a pas de relation dose-effet, bon, bah, qu'est-ce qui reste, hein ? Pas grand-chose, quoi. Mais il faut des non-exposés aussi, ou des très peu exposés. Non, non, des gens... Dans un certain nombre de cas, je pense qu'on peut raisonnablement dire il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement de ces conditions-là. Voilà. Mais attention, moi je vais prendre un autre. Sinon, bon. Alors, sur travail sur écran, si ça vous intéresse, je vous donne les arguments. Mais hein, je prends un autre exemple. Je ne travaille pas personnellement là-dessus. Je prends un autre exemple qui a été cité dans une réunion ici, sur une substance cancérigène. Il était montré toxicologiquement que cette substance est cancérigène. Et c'est une petite entreprise qui produit de la vitamine A avec un procédé où il y a un produit cancérigène. Celle-là, elle est connue, cette histoire-là. Hein. Je finis. je finis. Bon, donc, ce produit cancérigène est toxicologiquement démontré qu'il est cancérigène. Et au lieu de faire des choses, l'État et le patron ont demandé une étude épidémiologique. Et l'étude épidémiologique a conclu qu'en fait, il n'y avait pas d'effet, il n'était pas cancérigène. Alors, je ne veux pas parler de cette étude-là, mais je peux évoquer des travaux plus anciens que j'ai menés sur cancer nasocinusien, exposition au bois, des choses comme ça, et des expertises, des mises en commun de résultats faits au cirque à Lyon. Là où il y avait un consensus, c'est on ne passe pas forcément automatiquement, comment dire, on ne peut pas forcément extrapoler à l'homme des choses qui sont observées en laboratoire, ou même qui sont observées sur les animaux. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop parler de cancer parce que ça nous entraîne trop loin. J'aimerais revenir sur la question des conflits d'intérêts, etc. Vous prenez l'exemple là, de vos trois chercheurs qui travaillent pour l'assurance. D'une certaine manière, enfin, j'imagine, vous le dites, il y a eu des contre-prises de position. Ouais. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on arrive à le neutraliser. Alors, mais après, oui, c'est pas non, sans... ah, oui. Non, c'est pas marrant quand même. C'est pas marrant. D'accord, mais eux, scientifiquement, scientifiquement, ils tiennent. Enfin, ces chercheurs-là, ils peuvent continuer à avoir une carrière scientifique derrière, ou est-ce que la réponse est oui. La réponse est oui. On en connaît d'autres, hein. On en connaît d'autres qui ont continué à mener une carrière très très correcte, voire même une très bonne carrière en ayant des conflits d'intérêts. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça existe. Oui. Mais non, mais alors, oui, comment, enfin, alors la question c'est, enfin, déjà quand ça se voit c'est compliqué, mais alors quand ça se voit moins, l'autre exemple que vous preniez, justement des approches hyper scientifiques, etc. Non, alors je pense que dans certains cas, et certains des cas que je cite, on ne sait pas. Je pense par exemple que certains cliniciens sont tout à fait de bonne foi, c'est-à-dire ils font en fonction des malades qu'ils voient venir, et ils disent moi j'ai jamais vu, hein, et ils ont tendance à généraliser à partir des cas qu'ils ont vus ou qu'ils n'ont pas vus, et pour peu que ce soit, alors j'exagère un peu, mais vous voyez, imaginez un spécialiste dans le 16e arrondissement qui n'a qu'une population très sélectionnée des gens exposés professionnellement, il en verra pas. Donc de façon très naturelle et en pensant qu'il est honnête, il dira alors historiquement c'est tout à fait possible, et même actuellement c'est pas à exclure, hein. Après qu'est-ce que ça peut être les autres, alors je pense qu'il y a aussi des gens qui sont honnêtes et qui sont complètement entraîné dans une problématique scientifique qui est autre. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui sont tellement intéressés par le rôle de la kinésiphobie pour le retour au travail. Là, je voyais un article qui arrive à OOM. Les gens s'intéressent aux facteurs psychologiques qui font que des malades qui ont une omagie ne reviennent pas au travail. C'est-à-dire, ils s'intéressent que à ça. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais implicitement, c'est comme si le travail n'existait pas. Et puis, ça risque en effet d'être repris par d'autres comme c'est avant tout ce qu'on a dans la, c'est surtout ce qu'on a dans la tête qui compte pour la douleur au dos. Et il y a des gens qui sont passionnés par leur sujet de recherche, et leur sujet de recherche, c'est pas le travail. Donc, c'est pas impossible, hein, et c'est pas forcément un conflit d'intérêts. Hein. D'accord, mais l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'était pas un médecin, c'était pas un clinicien qui généralisait après son expérience, c'était un scientifique reconnu qui faisait une revue de littérature. Alors, reconnus, ils sont moyennement reconnus, ceux-là. Hein. En tout cas, c'est pas des stars. Hein, Moi, je ne connais pas du tout. Ils faisaient une revue de littérature et ils disqualifiaient la scientificité des études faites. Ouais, on n'est pas dans le cas du généralisme du 16e, etc. Ouais, donc, ouais. Là, par contre, ce qu'on sait, enfin, je vois le bouquin de Goldenberg sur Golden Holocaust, non, Goldberg. Robert Proctor. Oui, oui. Sur le tabac aux États-Unis, là. Sur Golden Holocaust, sur la stratégie du tabac aux États-Unis. Des cigarettiers par rapport à la mise en place d'une stratégie du doute, de la non-corrélation, d'arriver à démontrer à partir des archives, parce qu'il y a des procédures. Donc l'ensemble des archives des cigarettiers ont été mis à la disposition du public. Donc Proctor. Oui. Fait une étude systématique et il peut mettre en évidence qu'il y a une vraie stratégie financée. Ben là sur ce. Ah, aucun signal, il n'y a plus rien. Bon, moi j'ai M. Cohen rentré sur mon écran. Bon, mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'on est capable, dans ce que vous décrivez qui était très intéressant, hein, est-ce qu'on peut vérifier à un moment donné quand il y a des arguments hyper scientifiques pour disqualifier des travaux faits? Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, est-ce que ça soit une forme d'indice ou d'alerte pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse plus, et ma priorité serait plus que c'est quand même le cas, qu'il y ait une communauté scientifique internationale suffisamment solide, avec des gens en qui on a confiance, pour arriver à sortir des résultats qui soient, de mon point de vue, corrects. C'est-à-dire, je travaille pour l'Occupational and Environmental Medicine, je considère que les gens du comité éditorial de la revue, parce qu'on les connaît par ailleurs aussi, hein, sont des gens, on connaît les gens, on les connaît certains personnellement quand même, hein, et on sait que c'est des gens honnêtes. Je suis plus prudent. Non, c'est pas toujours vrai. Oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, je suis d'accord avec toi par rapport à la pertinence de faire des communautés scientifiques qui se prononcent pour arriver à des consensus, certains domaines scientifiques est quand même très organisé, hein, très utile. Et très utile, très organisé. Mais après, et en plus, j'irais même plus loin, soi-même, chacun, tout un chacun, quand on écrit un papier, on a quand même quelque part soit des hypothèses a priori explicites, mais parfois aussi implicites. Enfin, tu vois, c'est pas. C'est vrai, la démarche. Après, c'est le boulot des revues scientifiques aussi de te sortir ça. C'est-à-dire, si moi je vois arriver à OOM un manuscrit qui fait complètement l'impasse sur une dimension qui pour moi me semble importante, alors bon, à ce moment-là, je ruse. C'est-à-dire, je choisis bien, je vérifie que le papier a été bien relu. Et si nécessaire, je rajoute quelque chose pour que le papier ne. Enfin, un commentaire pour que le papier ne passe pas comme ça. Mais bon, je suis d'accord, c'est un peu artisanal. Et après, ce que vous montrez aussi, c'est que les scientifiques sont capables de faire des réponses à ce qui a été publié. Absolument, absolument. Il y a un autre article qui avait été écrit par un... Alors, pour vous, comme ça, c'est la petite histoire. Hein, un autre article qui avait été écrit par un Néerlandais. On s'est retrouvés, par hasard, à Copenhague, invité par travail, l'équivalent de l'INRS de Copenhague. On était un certain nombre venant de pays différents, et il y en a un qui a dit cet article-là, il pose problème. Et un autre qui a dit je prépare la lettre de réponse. Je prépare la lettre de réponse à la revue. Et on était plusieurs à dire ok, vous préparez la lettre de réponse à la revue, on va être co-signataire. Et alors après, la difficulté, c'est quand c'est une revue clinique, alors surtout n'enregistrez pas ça, hein, mais quand c'est une revue clinique, on peut avoir un peu de peine à faire passer le truc, c'est-à-dire la lettre, elle a été publiée, mais en version électronique uniquement, elle n'a pas été publiée en version papier. Donc, il y a des limites à ça. Et un peu des écoles de pensée. C'est-à-dire les revues cliniques, c'est plus, parler de travail dans une revue clinique, des fois c'est difficile de faire accepter. Ils vont dire ça n'intéresse pas nos lecteurs, quoi, en gros. Bon. Moi, j'avais aussi une question par rapport à ce que vous disiez sur justement votre positionnement d'épidémiologiste en tant que chercheur sur l'étiologie des maladies. Mmh. Et du coup, je suis très intéressée par toutes ces approches de pathway où on essaie vraiment de reconstituer avec des facteurs plus distaux comment on arrive jusqu'au risque de maladie tel qu'il est observable dans les populations auxquelles on a accès. Mais je me demandais si, finalement, quand on regardait vos résultats, l'analyse simple, elle montrait déjà que les facteurs d'organisation du travail étaient associés au risque d'épicondylite. Globalement, oui, le modèle n'est pas satisfaisant. Mettre tout sur le même plan, c'est pas... Non, je comprends d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue prévention, on a déjà quelque chose, enfin, en tout cas, d'identification de facteurs sur lesquels on pourrait essayer d'intervenir, on a déjà quelque chose. Mais ça dépend, après, où on place le curseur, évidemment. Je finis, excusez-moi. Après, je me demandais, justement, puisque les temporalités de raffinement méthodologique sont longues, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur plusieurs fronts en même temps, affiner la méthodologie, et aussi, peut-être remonter dans cette chaîne, justement, de causalité d'un cran, et quand on est face à des facteurs de risque avérés, tels que le port de charges lourdes, se poser la question de l'étiologie de ces expositions, pour rechercher, finalement, sur quels facteurs il est plus opportun d'intervenir, en utilisant les outils assez classiques qui sont mobilisables plus rapidement peut-être dans la boîte à outils de l'épidémiologiste, quoi. Je comprends que j'ai pas compris la question. Bah, c'est qu'en fait, comment ? Il faut connaître le travail pour ça. J'ai pas compris la question. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport au modèle global que vous présentiez, en parallèle du fait de continuer à développer ces approches-là qui sont très intéressantes, notamment sur le plan scientifique, est-ce qu'on peut pas aussi, ce qui serait pas intéressant de dire, on déplace finalement le regard, avant on regardait par exemple le facteur intermédiaire vis-à-vis du facteur final, ben maintenant on va regarder des facteurs distaux vis-à-vis du facteur intermédiaire. Le facteur intermédiaire étant déjà établi comme un facteur de risque, bien entendu. Ce qui déplace la question vers l'étiologie de l'exposition à un facteur de risque connu et qui en termes de prévention a mérite de pointer. À ce moment-là, on se retourne vers des données de surveillance aussi, hein, pour regarder dans quel secteur on trouve beaucoup ces... Il n'y a pas que les secteurs, parce qu'il y a les facteurs organisationnels, il y a les relations au travail. Donc, en fait, la même démarche, la même façon de regarder l'étiologie de la maladie peut s'appliquer plus en amont de la chaîne. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se poser la question de l'étiologie d'une exposition, au même titre, entre guillemets, hein, des causes des expositions, au même titre qu'on se pose la question des causes des maladies. Enfin, alors, partiellement, c'est des questions sur lesquelles des ergonomes aussi pourraient se pencher, hein, des gens qui sont un petit peu spécialistes de l'organisation du travail, quand même. Parce qu'il faut avoir des bonnes données. Il faut travailler avec. Et avoir des bonnes données aussi. Après, les données, on les attend en général. Actuellement, il y a des réflexions qui sont menées au sein de l'Est, mais avec des ergonomes ou des médecins du travail, etc., ou des gens du management aussi, pour savoir comment mieux caractériser les organisations du travail, ben, l'organisation, ouais, je pense, ouais, qu'il y a vraiment, ouais, plusieurs organisations du travail, comment mieux les approximer via des questionnaires et comment on prend en compte les pratiques managériales, ouais, dans l'étude des TMS. Ça, ça c'est des travaux pour lesquels actuellement on a des projets. Et on est à la recherche de financement. Parce qu'on n'a pas forcément les bonnes variables non plus. Hein, actuellement, on ne peut pas le faire. On a essayé de le faire avec les données. Actuellement, avec les données qu'on a, on ne peut pas le faire. Et effectivement, il y a un projet qui a déposé à l'ANSES avec Sandrine Caroli, qui est à Grenoble. Sandrine Caroli, c'est celle qui est sur la photo là. Et qui justement essaye d'approximer les histoires d'organisation du travail. Et de la même manière, il y avait Michel Isborala à Toulouse, qui est médecin inspecteur à Toulouse, qui souhaitait mener une étude sur les pratiques managériales et comment elles influent sur l'organisation et sur les facteurs biomécaniques. Et donc ça aurait dû être une étude qui était menée en Midi-Pyrénées, en Pays de la Loire. Pour le moment, cette étude n'a pas trouvé de financement, donc elle est un peu statu quo, là, on en est là. Mais effectivement, c'est des choses qui sont... qu'on souhaiterait aller plus loin. On a quand même... Alors, pour répondre à ce que propose Émilie sur l'amont, on a quand même, dans l'enquête nationale conditions de travail, on a dans la dernière version, notamment, ce qui est intéressant par rapport au fait que ce soit transversal, on a des questions répondues par les employeurs. Donc, sur le type d'organisation et sur le type social sur lequel on peut faire... C'est ça.